era Stup qui tourne au réseau. Les condés en hélico. M'a mis un gros choc de déco. Y'a Kada en Iveco. Y'a les condés en hélico. Y'a la Stup qui tourne au réseau. Il m'a mis un gros choc de déco. Vodka tropico, rambico. Elle a le teint couleur abricot. Un deck qui nous fait serpico. En showcase, aquarium dans le vito. Ça sent l'été. C'est caliente. Comment elle était? C'est une beauté. Wesh my gueule, tu racontes quoi depuis? J'aime pas le soleil, moi j'aime le jour de pluie. J'sais même plus où la force on la puise. Hier soir encore, j'me suis refait une cuite. Qu'est-ce que tu lui parles, cette fois le liquide. Y'avait les stars, j'ai fait un délit de fuite. Vas-y star, fais un cœur sur la vitre. Fais pas ta star, t'inquiète on t'oublie vite. Elle est vilaine, mais elle est binable. Gros ciseaux de garder en finale. Y'a plus de vodka, on se tue au pinard. Vite guignard, on se tue au ruinard. Ça sent l'été,